La nuit, je reste éveillée dans mon lit, méditant les mystères d'une vie royale. Les émotions sont toujours indociles, les rêves d'amour lentement se dissipent. La solitude repose sur un lit de rose, et pareil à l'encre qui fuit sur le papier, l'amour de mille façons se détourne en chemin. Dans une cage dorée, je cache ma vraie identité. Je ne vivrai jamais dans son cœur. Avec d'autres, je partage sa faveur. Sûrement, les concubines s'ennuient derrière les murs du second harem. Les eunuques sont autant d'objets vendus pour une bouchée de pain. La cour s'avère un lieu dangereux. L'intrigue s'infiltre dans tous les recoins. La solitude repose sur un lit de rose, et pareil à l'encre qui fuit sur le papier, l'amour de mille façons se détourne en chemin. Dans une cage dorée, je cache ma vraie identité. Une ombre menaçante plane sur moi. Aman crie sa haine des Juifs. J'en perds le sommeil, l'appétit. Le passé tient en chaîne Israël. De deuil, Mardoché pleure. Dans sa folie, l'ennemi va détruire tous les Juifs de l'Empire perse. La solitude repose sur un lit de rose, et pareil à l'encre qui fuit sur le papier, l'amour de mille façons se détourne en chemin. Dans une cage dorée, je cache